Le jeudi 11 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les croisières Disney s'arrêteront à Québec dès l'an prochain. Les efforts du port de Québec auront finalement payé après des années de démarchage. Deux navires de Disney de 2700 passagers accosteront au quai du port de Québec en septembre 2018. Une nouvelle clientèle pour la ville, plus jeune et plus familiale. Les croisiéristes profiteront d'un séjour de 48 heures. Une belle marque de confiance à l'endroit de la capitale nationale, considérant la notoriété de Disney et ses critères de sélection très rigoureux. Le PDG de l'administration portuaire, Mario Girard, a parlé ce matin d'un rêve et d'un moment historique. De son côté, le maire de Québec, Régis Labeaume, s'est réjoui du rayonnement international que cela offrait pour Québec. C'est le début d'une nouvelle carrière pour l'ancien député et ministre libéral Sam Ahmad. Deux semaines après avoir mis fin à sa carrière politique, l'ingénieur de formation retourne à ses premiers amours. Il occupera le poste de vice-président de Globatec, une entreprise de Québec spécialisée dans le bâtiment. Il aura notamment pour mandat de développer de nouveaux marchés au Canada et à l'étranger. Sam Ahmad avait annoncé sa démission politique fin avril, un an après avoir fait l'objet d'une controverse pour ses liens avec l'ancien collecteur de fonds Marc-Yvan Côté. Pierre Beaudoin est reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration de Bombardier, et ce, malgré la grogne populaire, mais aussi au sein des investisseurs de l'entreprise. Il perd cependant ses responsabilités exécutives et pourrait voir son salaire réduit. Réunis en assemblée, les actionnaires de Bombardier ont voté à 92% en faveur de M. Beaudoin et à 93% pour la controversée politique de rémunération des hauts dirigeants de Bombardier. Laquelle est entérinée. Elle prévoit, rappelons-le, une augmentation de 50% d'ici 2020, conditionnelle à l'atteinte des objectifs. Le résultat du vote est cependant plus nuancé puisque la famille Beaudoin-Bombardier contrôle à elle seule la moitié des votes de l'Assemblée. Enfin, le départ des Ursulines du Vieux-Québec marquera la fin d'une époque. Les sœurs occupaient les lieux depuis 375 ans. Elles sont toujours une cinquantaine à occuper l'édifice bicentenaire. Elles ont annoncé mercredi leur départ pour une nouvelle résidence plus adaptée dans le secteur de Beauport. Le déménagement sera effectué à l'automne 2018. La Ville de Québec travaille d'ores et déjà avec les Ursulines pour trouver une nouvelle vocation au bâtiment patrimoniaux du Vieux-Québec. Une partie des locaux seront occupés prochainement par une garderie et par des fonctionnaires municipaux. Printemps, été, automne, hiver, météo. On prévoit un maximum de 10 degrés aujourd'hui avec beaucoup de nuages et 40% de probabilité d'averse. Demain, vendredi, c'est généralement nuageux, un maximum de 13 degrés, de la pluie. Pendant la fin de semaine, 30% de probabilité d'averse samedi avec un maximum de 19 degrés. 9 degrés seulement comme maximum le lendemain, dimanche. Présentement, il fait 8 degrés à Québec et c'est généralement nuageux.